Chapitre 7e, le carnaval. Que se passa-t-il dans l'interrogatoire subi par Tiepoli après un emprisonnement de quelques jours? On donna connaissance au jeune capitaine de la dénonciation dirigée contre lui, et tout en frémissant d'indignation, il dut chercher à se défendre des coups que lui portait un ennemi invisible. Assurément, Valerio avait trop d'énergie pour subir la crainte, et trop de fois, il avait fait d'avance le sacrifice de sa vie, pour fléchir devant l'imminence d'une condamnation capitale. Le tribunal pouvait réprouver l'orgueil de l'accusé, mais il était forcé de reconnaître, au fond, qu'un homme qui gardait ainsi le front haut n'était point capable de conspirer ténébreusement contre l'État. Cependant, il était évident, de l'aveu même de Valerio, que des paroles libres avaient été prononcées publiquement par lui, déliriel, que devait suivre une peine. Quand il sortit de l'audience, on venait de le rayer du livre d'or des chevaliers de Saint-Marc. Et il avait été décidé que l'inscription gravée sur marbre au-dessous de l'étendard par lui enlevé à l'ennemi resterait durant 3 années voilée de crêpe noire. Au dehors, il chercha vaguement du regard ses amis et convives. Pas un d'eux n'était là. Sans doute on le croyait perdu, ou bien on voulait attendre à plus ample informé pour lui donner de nouveaux témoignages de sympathie. En revanche, il y avait sur la place, au pied même du portique, un vieillard et une jeune fille voilée. À leur vue, Valerio tressaillit, moitié de joie, moitié de chagrin. Ce fut d'un pas indécis qu'il alla vers eux. Ce vieillard, c'était Salviano. On a nommé sa compagne. Salviano ouvrit ses bras au jeune gentilhomme. « Dieu soit loué » s'écria-t-il. « Puisque vous voilà libre, j'en augure que vous êtes acquitté. »« Dieu soit loué !» répéta Aurélia, qui tendit sa blanche main au frère d'enfance. « Non, dit Valerio, je ne saurais plus toucher ces chastes mains qui se sont croisées si souvent pour la prière. » La flétrissure pèse sur moi. Tenez, regardez cette boutonnière. Vous n'y verrez plus briller la médaille de Saint-Marc. Oh, mon cousin, tant que l'honneur palpitera dans votre âme, je vous conserverai la même estime. Le condamné baissa tristement la tête. Mais Aurélia ajouta fermement. Vous avez trouvé au sortir du tribunal ceux qui vous aiment le mieux ici-bas. Ne vous détournez pas d'eux, si vous êtes sensible encore à l'affection véritable. « Me préserve le ciel de vous imposer désormais la présence d'un homme que la honte va couvrir de ses ombres fatales. Adieu, Aurélia, laissez-moi vous fuir. Commandez-moi donc de ne plus penser, de ne plus me souvenir. Je suis déshonoré. Quoi ?» dit Salviano. « Persistez-vous dans cette idée fausse? N'a-t-on pas vu les Morosini, les Cornaro, les Molino, en but d'injustes accusations, répondre plus tard à l'appel de Venise, quand elle eut besoin de leurs bras, et ne se venger que par des triomphes? Il se peut, mais moi je me consumerai dans la disgrâce. Non, Aurélia, mon cœur blessé ne saurait recevoir aucun adoucissement. Je commence à le craindre, dit-elle avec dignité. Mais revenant aussitôt sur la vivacité de cette réponse, elle reprit d'un ton affectueux, « Vous ne pouvez du moins me défendre de prier pour vous. » En ce moment, par un contraste étrange, les éclats de voix d'une foule tumultueuse firent vibrer les échos de l'antique place des Doges. On vit déboucher d'un angle de rue une foule de masques. Ce monde de la folie arrivait au galop, agitant ses grelots, ses crécelles, ses tambours de basque. Les mandolines grinçaient, des chansons tronquées se croisaient avec des épigrammes et des confettis. C'était le carnaval éclos à la seconde fête de Noël, le joyeux carnaval de Venise, qui allait durer jusqu'au carême et qui traînait sa légion de battleurs, ses essaims d'étrangers, le carnaval qui apportait la licence là où ne régnait jamais la liberté complète. Une sorte de fièvre s'alluma dans les yeux de Valerio. Le hasard m'envoie l'oubli de mes ennuis. Le carnaval sera mon consolateur. Oh, coupe du plaisir, je veux m'enivrer de ton nectar. « Tout pour ne plus penser !» Il prononça ces mots dans une sorte de délire, et sans oser jeter un dernier regard sur les deux nobles amis qu'il quittait si brusquement, il s'élança vers les bruyants mascherati.